بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد On continue avec ce qui concerne ليلة القدر ليلة القدر qui est traduit par la nuit du destin la nuit du décret On lit le hadith suivant وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر ابن عمر رضي الله عنهما rapporte que certains compagnons ont vu Laylatul Qadr, ils ont vu la nuit du destin, la nuit du décret en rêve, pendant les sept dernières nuits du mois de Ramadan. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ أُرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاتَرَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ Le prophète leur a dit, je vois que vos visions concordent avec les sept dernières nuits du mois de Ramadan. Il leur a dit que leur rêve indiquait que Laylatul Qadr se trouvait dans les sept dernières nuits du mois de Ramadan. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ Donc il aura dit que celui qui recherche Laylatul Qadr, eh bien qu'il le fasse pendant les sept dernières nuits du mois de Ramadan. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Le hadith suivant وَعَنْ مُعَاوِيَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال في ليلة القدر ليلة 27 معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه rapporte que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit au sujet de ليلة القدر au sujet de la nuit du destin la nuit du décret il s'agit de la 27e nuit ce hadith est rapporté par Abu Daoud mais en fait ce hadith là est mawquf c'est-à-dire que ces propos là ne remontent pas au prophète عليه الصلاة والسلام mais au compagnon qu'est Mu'awiyah ibn Abi Sufyan. Donc ce sont les propos du sahabi, du compagnon Mu'awiyah ibn Abi Sufyan et non pas les propos du prophète alayhi salat wa salam. Donc ici on va s'intéresser à Laylatul Qadr, la nuit du destin, la nuit du décret. On va commencer tout premièrement par Sabab tasmiyatiya Laylatul Qadr. Pourquoi Laylatul Qadr est nommé ainsi ? D'où vient cette appellation-là de « Laylatul Qadr », la nuit del Qadr. Les savants ont expliqué qu'Allah Azza wa Jal « yuqaddiru fiha ma yasha min amri ila mithliha min as-sana al-qabila » Donc ça vient de « qaddara yuqaddiru » qui signifie le fait de décréter. Donc Allah Azza wa Jal décrète pendant « Laylatul Qadr » toutes les choses qui vont se passer pendant l'année à venir. Tous les événements qui vont se dérouler au cours de l'année sont décrétés pendant Laylatul Qadr. Que ce soit le risque de la personne, ce que la personne va gagner, que ce soit une naissance, que ce soit un décès, que ce soit une maladie, que ce soit un voyage, que ce soit un mariage ou autre, tout est décrété pendant Laylatul Qadr. Tout ce qui va se dérouler au cours de l'année à venir est décrété pendant cette nuit-là. Et ce qui indique cela est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. فيها يفرق كل أمر حكيم. Donc pendant cette nuit-là, toute chose يفرق أي يفصل. Toute chose est détaillée selon la hikma d'Allah تبارك وتعالى, selon la sagesse d'Allah. Donc comme on l'a dit, par exemple, Allah va décréter que un tel va se marier, qu'un tel va avoir un enfant, qu'un tel va tomber malade, qu'un tel va voyager, qu'un tel va gagner telle ou telle chose. Tout est décrété, tout est détaillé pendant Laylatul Qadr. Et les savants ont également cité que Laylatul Qadr a été nommé de cette façon-là, qalu, summiyat bidhalik li'azamatiha wa sharafiha. C'est en raison de son importance, l'azama wa sharaf. C'est en raison de l'importance de cette nuit-là et du mérite énorme de cette nuit-là. Donc Laylatul Qadr a un énorme mérite, une énorme importance et un très haut rang. Donc on dit en arabe li fulan qadr ay sharaf wa manzila. En arabe, on dit que une telle personne a un qadr, c'est-à-dire elle a un rang élevé, un statut élevé. Et comme vous le savez sûrement, eh bien Laylatul Qadr a un très grand mérite. Parmi ces mérites-là, eh bien, c'est la nuit pendant laquelle Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah Azza wa Jal anzal, c'est-à-dire a fait descendre le Coran pendant laylatil qadr. Ce qui indique l'énorme importance de cette nuit-là. Et également, qu'Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Donc Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran pendant une nuit mubaraka, pendant une nuit bénie qui est Laylatul Qadr. Wa kadhalik al-ibada fiha khayrun min al-ibada fi alf shahr. Al-ibada, les œuvres d'adoration qui sont effectuées pendant Laylatul Qadr sont meilleures que celles effectuées pendant 1000 mois, c'est-à-dire pendant plus de 83 ans. Subhanallah, ce qui équivaut aux œuvres de toute une vie. Les œuvres effectuées pendant une seule nuit valent mieux que les œuvres effectuées pendant toute une vie. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr est khayrun min alf shahr. La nuit du qadr est meilleure que 1000 mois. Donc, il faut profiter de ces occasions-là pour œuvrer. Car les œuvres effectuées pendant une seule nuit valent autant que les œuvres effectuées pendant 1000 mois, c'est-à-dire pendant plus de 83 ans, c'est-à-dire toute une vie. Qui peut œuvrer autant en si peu de temps? C'est impossible. Donc, il faut profiter de ces occasions-là. Si ton patron te disait « Viens cette nuit-là et tu seras payé double », tu iras travailler. Que dire si ton patron te dit « Viens travailler cette nuit-là et je vais te donner le salaire d'une semaine de travail ». Tu iras travailler et tu seras même prêt à dire « Je délaisse le travail de la journée et je viens travailler toutes les nuits ». Fais ma belle, s'il te dit « Viens travailler cette nuit-là, je vais te donner un mois de salaire. » Tu délaisseras tout et tu viendras travailler. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit que cette nuit-là vaut mieux que 1000 mois. 1000 mois, subhanallah. Toute une vie d'œuvre. Donc il faut profiter de ces occasions-là. Nous, on a beaucoup de manquements dans nos œuvres de ibadah, dans la vie de tous les jours. Donc il faut essayer de se rattraper pendant ces occasions-là. Il faut profiter de ces occasions-là pour œuvrer. Que ce soit fitarawih, que ce soit en faisant un salat, que ce soit en lisant le Coran, que ce soit en faisant des doa, des invocations et autres. Et parmi les mérites de cette nuit-là est le fait que al-malaika wa ma'ahum Jibril yatanazzalun fi hadhihi al-layla. Pendant cette nuit-là, eh bien, il y a beaucoup d'anges qui descendent et également Jibril, l'ange Gabriel. Comme Allah Azza wa Jalla dit, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Tanazzalul malaika, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anges qui descendent pendant Laylatul Qadr. Waruh, ruh désigne Jibril, l'ange Gabriel. Et le fait que beaucoup d'anges descendent pendant cette nuit-là indique intishar rahma wa intishar al-maghfira wa intishar al-sakina. C'est-à-dire que le pardon d'Allah Azza wa Jal se propage pendant cette nuit-là. Également sa miséricorde et sa sakina, sa quiétude. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Salamun hiya, c'est-à-dire hiya salam. C'est une nuit de quiétude jusqu'au lever de l'aube. Jusqu'à l'aube, eh bien, il y a la sakina, la quiétude, wa salama, pendant cette nuit-là. Et comme on l'a dit, il y a beaucoup d'anges qui descendent pendant cette nuit-là. Et on a déjà remarqué lorsqu'on était à Dammaj que pendant cette nuit-là, eh bien, il y a beaucoup de coqs qui poussent des cris. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit dans un hadith, إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. Le prophète nous a dit que lorsqu'on entend le cri du coq, eh bien, il fallait demander à Allah Azza wa Jal de ses bienfaits, de son fadl. قال فإنها رأت ملكا. Car lorsque le coq pousse son cri, eh bien, c'est qu'il a vu un malek, c'est qu'il a vu un ange. Eh bien, nous, lorsqu'on était à Dammaj, on vivait au milieu des Dammajis, et les Dammajis ont des fermes. Ils ont des animaux, ils ont des coqs, ils ont des chèvres, ils ont des moutons. Eh bien, on a déjà remarqué que pendant certaines nuits, eh bien, il y avait beaucoup de coqs, beaucoup de cris du coq pendant certaines nuits. Ça, je l'ai déjà remarqué. Ce qui indique que les diques, les coqs, voyaient les anges descendre. Et c'était parmi les signes qui nous faisaient comprendre que c'était Laylatul Qadr. Et parfois, wallah, c'était très impressionnant. On entendait les cris des coqs pendant une grande partie de la nuit. On entendait les coqs pousser des cris pendant une grande partie de la nuit. C'était très impressionnant. Donc, il faut veiller pendant cette nuit-là à demander min fadlillah azza wa jalla. Il faut demander des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kadhalik, parmi les bienfaits de cette nuit-là, est que cette nuit-là permet d'expier nos péchés. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wa salam, man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban. celui qui veille pendant Laylatul Qadr en prière, imanan avec foi ou ihtisaban en attendant la récompense d'Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah lui pardonne ses péchés passés. Allah lui pardonne ses péchés antérieurs. Donc, comme on l'a dit, nous, on a beaucoup de manquements dans nos œuvres de tous les jours. Donc, il faut profiter de ces occasions-là. Pendant Ramadan, déjà, Ramadan est une occasion pour se faire pardonner les péchés. Et celui qui a des manquements, même pendant Ramadan, doit essayer de se rattraper pendant les 10 derniers jours de Ramadan pour tomber sur Laylatul Qadr pour se faire pardonner ses péchés passés. Donc voilà certaines causes de l'appellation de Laylatul Qadr. وكذلك سميت بذلك لأن للطاعة فيها قدرا عظيما. Et les savants ont également dit que les actes d'obéissance effectués pendant cette nuit-là avaient une énorme récompense, un énorme mérite. La question suivante est, est-ce que Laylatul Qadr existe toujours ou est-ce qu'elle n'existe plus? Est-ce qu'elle a été, comme on dit, rufi'at? Est-ce qu'elle a été élevée? Certains savants ont dit que Laylatul Qadr n'existait plus et que rufi'at. Rufi'at, mot à mot, signifie « elle a été élevée ». Ils se sont basés sur un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Kharajtu li ukhbirakum bi Laylatul Qadr ». Donc une fois, le prophète était sorti auprès des compagnons pour les informer de Laylatul Qadr. قال فتلاحى فلان وفلان. Il a trouvé certaines personnes en train de se disputer au sujet de Laylatul Qadr. Il voulait savoir quand était cette nuit-là. قال فرفعت. Le prophète a dit رفعت. Mot à mot, رفعت signifie elle a été élevée. Donc certains savants ont déduit que Laylatul Qadr n'existait plus parce que رفعت, car elle a été élevée. Mais cet avis-là n'est pas juste. Car le sens de « rufi'at » en fait est « raf'at ayniya », c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'est cette nuit-là. On ne sait pas précisément quand est-ce qu'est Laylatul Qadr. Donc cela ne signifie pas que Laylatul Qadr n'existe plus, mais seulement qu'on ne sait pas quand est-ce qu'est exactement, précisément Laylatul Qadr. Et ce qui appuie ce sens-là, et que dans une autre version du hadith, eh bien le prophète alayhi salatu wasalam a dit farufi'at wa asa yakuna khayran lakum. Le prophète a dit rufi'at, Laylatul Qadr a été élevé, wa asa yakuna khayran lakum. Il a dit c'est sûrement un bien pour vous. C'est sûrement un bienfait pour vous. En effet, si on savait quand est-ce qu'était Laylatul Qadr précisément, peut-être qu'on ne ferait d'efforts que pendant une seule nuit. Peut-être qu'on ne ferait qiyam al-layl que pendant une seule nuit. Donc il ne nous a pas informé pour qu'on offre pendant les 10 dernières nuits encore plus du mois de Ramadan. Donc c'est pour nous pousser à faire beaucoup d'œuvres de ibadah, beaucoup d'œuvres d'adoration. Puis par la suite, le prophète leur a dit cherchez Laylatul Qadr pendant la 9e, la 7e et la 5e nuit. Donc, si Laylatul Qadr n'existait plus, pourquoi est-ce que le prophète leur a dit de rechercher Laylatul Qadr pendant la 9e, la 7e et 5e nuit? Donc, comme on l'a dit, la vie le plus juste est que Laylatul Qadr existe toujours et que le sens de Rufi'at est qu'on ne sait pas précisément quand est-ce qu'est Laylatul Qadr. On sait dans quelle période se situe Laylatul Qadr, mais on ne sait pas exactement quelle est cette nuit-là. La question suivante est « Mata Laylatul Qadr ?» Quand est-ce que Laylatul Qadr ? Cheikh Abdallah al-Bassam, rahmatullah alayhi, a dit dans son commentaire de Bulugh al-Maram, Cheikh Abdallah al-Bassam a un commentaire de Bulugh al-Maram qu'il a intitulé « Tawdih al-Ahkam ». Il a cité qu'on pouvait résumer les différents avis sur cette question-là en quatre grandes catégories. La première catégorie sont tous les avis qui sont à rejeter, comme le fait de dire « que Laylatul Qadr n'existe pas ou n'existe plus. Donc tous ces avis-là ne sont pas à prendre en considération. La deuxième catégorie sont tous les avis qui sont da'ifa, sont tous les avis qui sont faibles. Comme le fait de prétendre que Laylatul Qadr se situe dans la moitié du mois de Sha'ban. Donc tous ces avis-là, toutes ces opinions-là sont à rejeter car elles sont contraires aux preuves authentiques. Également, la troisième partie sont les avis qui sont faux. des avis qui sont faux. Comme le fait de dire que Laylatul Qadr se situe pendant le mois de Ramadan, mais pas pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc celui qui prétend que Laylatul Qadr ne se trouve pas dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, eh bien, c'est un avis qui est faux. Et enfin, la quatrième catégorie sont les avis qui sont justes. Alors, l'avis le plus juste est que Laylatul Qadr se situe dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et encore plus pendant les nuits impaires de Ramadan, et encore plus pendant la 27e nuit. Donc voilà l'avis le plus juste. C'est l'avis qui fait le regroupement entre les différentes preuves qui sont parvenues au sujet de Laylatul Qadr. Alors, ce qui nous fait dire que Laylatul Qadr se situe dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et ce hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Iltamisuha fil ashr al-awakhir » Le prophète nous a dit de rechercher Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et ce hadith est authentique. Et ce qui nous fait dire que les nuits les plus probables sont les nuits impaires, et ce hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Iltamisuha fil witr » Cherchez-la pendant le witr. Le witr signifie les nuits impaires. Qala fil witr min al-ashr al-awakhir. Pendant les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, les nuits les plus probables sont les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et ce qui nous fait dire que Laylatul Qadr, la nuit la plus probable de Laylatul Qadr est la 27e nuit, et ce hadith où Ubay ibn Ka'b jurait que Laylatul Qadr était la 27e nuit. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim. Donc voilà l'avis qui fait le regroupement entre les différentes preuves. Et Cheikh Mohamed bin Hizam a ajouté qu'on ne peut pas certifier que Laylatul Qadr est la 27e nuit. Pourquoi ? Car il y a des hadiths authentiques qui indiquent que Laylatul Qadr est déjà tombée une autre nuit que la 27e nuit. Alors, par exemple, il y a un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro 2027, et également l'imam muslim, 1167, où Laylatul Qadr est tombée pendant la 21e nuit du mois de Ramadan. Donc ici, Laylatul Qadr est tombée la 21e nuit du mois de Ramadan, qui, on le remarque, est une nuit impaire. Il y a également un hadith rapporté par l'imam muslim, numéro 1168, où Laylatul Qadr est tombée la 23e nuit du mois de Ramadan. La 23e nuit du mois de Ramadan, qui est également une nuit impaire. Donc on ne peut pas certifier que Laylatul Qadr se situe la 27e nuit, car il y a des preuves authentiques qui allaient déjà tomber une autre nuit, comme la 21e et la 23e nuit. Et on va lire ce qu'a cité Al-Hafidh ibn Hajar. Al-Hafidh ibn Hajar a dit que les nuits les plus probables pour Laylatul Qadr étaient les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Thumaqal, wa annaha tantaqil. Donc il a dit, l'avis le plus juste, annaha tantaqil. C'est-à-dire que cette nuit-là varie, elle n'est pas fixe. Laylatul Qadr varie d'une année à une autre. Alors il se peut que cette année-là, par exemple, ce soit la 27e nuit, et l'année prochaine, la 25e, et une autre année, la 23e, et ainsi de suite. Donc cette nuit n'est pas fixe, elle varie d'une année à une autre. Et c'est également ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, qui a dit « Wa la takhtassu laylatul qadr bi laylatin mu'ayyana fi jami' al-a'wam » Cheikh Ibn Uthaymin a dit que laylatul qadr n'était pas fixe d'une année à une autre. On ne pouvait pas dire que laylatul qadr tombait toujours la même nuit chaque année. « Qala fi jami' al-a'wam bel tentaqil » Il a dit également que « tentaqil », c'est-à-dire que cette nuit-là variait. Elle peut varier d'une année à une autre. Elle n'est pas fixe. Donc, il se peut que cette année-là, comme on l'a dit, elle tombe la 23e nuit. Une autre année, la 21e. Une autre année, la 25e. Et voilà l'avis le plus juste. Donc, l'avis le plus juste est que Laylatul Qadr n'est pas fixe. Elle varie d'une année à une autre. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'on retirait deux profits de ce fait-là. Du fait qu'on ne sache pas quand est-ce qu'est Laylatul Qadr exactement. Alors, tout premièrement, il a dit que cela va nous pousser à être actifs. On va œuvrer pour rechercher Laylatul Qadr. Donc, si on savait quand est-ce que Laylatul Qadr, eh bien, on limiterait peut-être tous les efforts à une seule nuit. Peut-être que certains ne feraient Qiyam al-Layl que pendant une seule nuit. Donc le prophète ne nous a pas informé pour qu'on recherche Laylatul Qadr pendant plusieurs nuits. Et également, qala, kathratul amal salih. En effet, vu qu'on va rechercher cette nuit-là pendant plusieurs nuits, eh bien, on va faire plus d'œuvres. Et plus on fait d'œuvres, eh bien, plus on a de récompenses. Comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, qala, kathratul amal tujib kathratul thawab. Le fait d'œuvrer beaucoup indique qu'on va avoir plus de récompenses, plus de mérites. Donc voilà la sagesse du fait qu'on ne sache pas exactement quand est-ce qu'est Laylatul Qadr. C'est pour avoir encore plus de récompenses et pour faire encore plus d'efforts fil ibada pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. On va citer certaines questions supplémentaires relatives à ce qu'on a vu. La première question est, est-ce que la personne obtient la récompense de Laylatul Qadr même si elle ignore quand est-ce qu'est Laylatul Qadr? Par exemple, si une personne ignore que Laylatul Qadr se situe dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, mais qu'elle a effectué Qiyam al-Layl de toutes les nuits du mois de Ramadan, est-ce qu'elle va obtenir la récompense de cette nuit-là ou faut-il qu'elle sache quand est-ce qu'est Laylatul Qadr? La réponse est que la personne va obtenir la récompense de cette nuit-là même si elle ignore quand est-ce qu'est cette nuit-là. Comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Et il a dit que ceux qui prétendent le contraire, eh bien, cet avis-là est à rejeter, cet avis-là est faux. Et il a dit que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, man qama laylat al-qadr, celui qui veille la nuit du qadr, imanan wahtisaban, avec foi et en attendant la récompense d'Allah, Allah azza wa jal lui pardonne ses péchés passés. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Le prophète n'a pas dit en sachant que c'est cette nuit-là. Donc le prophète n'a pas dit tout en sachant que c'est cette nuit-là. Donc la vie le plus juste est que la personne obtiendra quand même la récompense de Laylatul Qadr, même si elle ignore quand est-ce que cette nuit-là. La question suivante est, quels sont les signes de la nuit du destin? Quels sont les signes de la nuit du décret? Sachez que Laylatul Qadr à certains signes qui permettent de la reconnaître. Parmi ces signes, tout premièrement, c'est une nuit tempérée où il ne fait ni chaud ni froid, comme rapporté dans un hadith cité par Abu Daoud. L'imam Abu Daoud a cité d'après Ibn Abbas que le prophète والسلام, a dit au sujet de Laylatul Qadr, Laylatun samha talqa la hara wa la barida. Il a dit que c'était une nuit tempérée, où il ne fait ni chaud ni froid. Donc c'est une nuit très agréable, une nuit très douce où il ne fait ni chaud ni froid. Et parmi les signes également de Laylatul Qadr, est que la matinée de cette nuit-là, eh bien le soleil se lève sans rayon. Comme l'a informé le prophète, alayhi salatu wasalam, qala, an ash-shams tatlu' min dhalika al-yawm la shu'ara laha. Il a dit que le soleil se levait la matinée de Laylatul Qadr sans rayon, comme rapporté par l'imam muslim. Donc, la matinée de cette nuit-là, eh bien, le soleil se lève sans rayon. Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun rayon, non. C'est juste qu'il y a moins de rayons que d'habitude. On peut regarder le soleil à l'œil nu. On peut le regarder sans être trop ébloui, comme on regarderait par exemple Al-Qamar, comme on regarderait la lune. Donc, cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun rayon, mais juste qu'il y a moins de rayons que d'habitude. Et également, parmi les signes de Laylatul Qadr, nuzul al-matar. Il y a une pluie la matinée de cette nuit-là. Comme rapporté dans un hadith cité par l'imam al-Bukhari et muslim, où le prophète, alayhi salatu wasalam, qala, inni uriituha layla witr. Alors, le prophète a vu en rêve Laylatul Qadr et c'était une nuit impair. Qala, wa inni asjudu sabihataha fi tin wa ma. Il s'est vu en train de se prosterner la matinée de cette nuit-là dans de la boue et de l'eau. Donc, ce qui indique que parmi les signes de Laylatul Qadr est qu'il y a de la pluie. Mais cela ne signifie pas que cela se produit toujours. Comme l'a cité Cheikh Mohammed bin Hizam, qala, hadhihi al-alama laysat mulazima. Donc, ce signe ne se produit pas toujours. Il ne pleut pas toujours. Il se peut qu'il pleuve ou pas. Donc, ce n'est pas toutes les années qu'il pleut pendant Laylatul Qadr. Mais c'était un des signes qui permet de reconnaître Laylatul Qadr. Et en ce qui concerne le fait que le soleil se lève sans rayon la matinée de Laylat al-Qadr, eh bien maintenant certaines personnes prennent en photo toutes les matinées le soleil. Et on a déjà constaté que parfois le soleil avait moins de rayons que les autres jours. Donc c'est un des signes qui permet de distinguer Laylat al-Qadr. On passe au hadith suivant qui concerne l'invocation à faire pendant Laylat al-Qadr. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها عائشة a dit au prophète عليه الصلاة والسلام si je parviens à savoir quelle est ليلة القدر que dois-je dire pendant cette nuit-là قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني il lui a dit de dire Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Ce hadith est authentique. Donc ici, le prophète a indiqué à Aïcha ce qu'il fallait dire pendant Laylatul Qadr. Il lui a dit de dire Allahumma innaka afoun. Oh Allah, tu es pardonneur. Tuhib al-afwa, tu aimes le pardon. Fa'fu anni, alors pardonne-moi. Donc, il est recommandé pendant Laylatul Qadr, pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, de dire cette invocation-là. D'accord? Et on tire comme profit également « Tawassul ilallah bi asma'i wa sifatihi al-munasiba lil matloub ». Il est bon, lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal, de choisir le nom et les attributs, les noms et les attributs qui sont appropriés à notre demande. Donc ici, par exemple, on veut obtenir le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on dit « Allahumma innaka afoun »« Tu es pardonneur ». تحب العفو فاعف عني alors pardonne-moi et ainsi de suite si une personne par exemple est malade elle va dire Allahumma anta shafi elle va dire oh Allah c'est toi shafi c'est toi le guérisseur c'est toi qui guéris fashfini guéris-moi et ainsi de suite donc on choisit le nom les noms et les attributs qui correspondent à notre demande donc par exemple on ne va pas dire ya shadid al-iqab irhamni on ne va pas dire oh toi qui es dur en punition Irhamni, fais-moi miséricorde, car ce nom-là ne correspond pas à notre demande. Ce nom-là n'est pas adapté à notre demande. Et enfin, on va lire le dernier hadith pour clôturer le chapitre. Qala, wa an Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qala, qala Rasulullah, alayhi salatu wa salam, la tushaddu rihal illa ila thalatha masajid. Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le messager d'Allah Alayhi salatu wa salam a dit « La tushaddu rihal ». Alors, « tushaddu rihal » signifie mot à mot le fait de céder les montures. Et ici, c'est une expression qui désigne le fait de voyager. Donc, il a dit qu'on ne devait voyager que vers trois masajid, que vers trois mosquées. « Qala al-masjid al-haram » la mosquée sacrée. « Wa masjid yada » masjid al-nabawi, la mosquée du prophète. « Alayhi salatu wa salam » « Wa al-masjid al-aqsa » El Masjid al-Aqsa qui se situe en Palestine. Donc le prophète nous a interdit de voyager vers d'autres masajid que ces trois mosquées-là. El Masjid al-Haram, la mosquée sacrée, la mosquée du prophète et également El Masjid al-Aqsa. Et comme vous le savez, les salats, les prières effectuées dans ces lieux-là ont un immense mérite, comme l'a informé le prophète, alayhi salat wa salam. Une prière effectuée fil Masjid al-Nabawi, une prière effectuée dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wasalam, khayrun min alfi salah, est meilleur que 1000 prières effectuées dans les autres masajids. Et également, une prière effectuée fil masjid al-haram, dans la mosquée sacrée, a le mérite de miyat alf salat, elle a le mérite de 100 000 prières. Donc une seule prière effectuée dans le masjid al-haram a le mérite de 100 000 prières effectuées dans un autre masjid. Et le mérite d'une prière dans le masjid al-aqsa équivaut à 500 salat, équivaut au mérite de 500 prières. Donc, ces endroits-là ont un mérite et les ibadas, les adorations effectuées dans ces endroits-là ont un immense mérite également. Donc, on tire comme profit, comme on l'a dit, qu'il est interdit de voyager vers autre que ces trois masajides. Et il y a une chose qui est pire que cela, qui est le fait de voyager pour se rendre auprès de Kubur, pour se rendre auprès de tombes. Cela est pire encore car cela mène à la fitna, qui est le shirk. C'est un moyen qui mène à commettre du shirk, à commettre de l'association. Car le fait de voyager pour se rendre vers des tombes va pousser la personne à invoquer les morts. Et le fait d'invoquer les morts est du shirk, est de l'association. Donc c'est quelque chose de très très grave. Donc il ne faut pas voyager pour se rendre auprès de tombes. Et ici, on va se poser une question qu'a citée Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dans son commentaire de Bulugh al-Maram. Cheikh Ibn Uthaymeen a posé cette question-là. Il a dit, si une personne se rend vers telle ou telle mosquée sans avoir la conviction que cet endroit-là avait un mérite spécial. Il a dit, si la personne va juste pour visiter. Il a donné l'exemple, par exemple, il a dit, si une personne entend parler d'une mosquée qui a été construite à Riyad et qu'il se rend dans cette mosquée-là pour la visiter, car c'est une mosquée toute neuve et qu'il a entendu qu'elle était grande et belle et tout. Est-ce que cela est permis ou pas? Est-ce que cela est permis ou pas? La réponse, il a dit oui, cela est permis. Puis il a expliqué pourquoi. Car cette personne-là qui est partie visiter cette mosquée-là n'a pas la conviction que cet endroit-là a un mérite spécial. Il n'a pas la conviction que cette mosquée a un mérite spécial. Donc cela est permis. Il a cité l'exemple d'une personne, par exemple, qui se rend dans telle ou telle mosquée pour écouter les doros qui se donnent dans cette mosquée-là, pour écouter les cours qui sont donnés dans cette mosquée-là. Il a dit que cela était permis. Tu as le droit de te rendre dans telle ou telle mosquée pour écouter les cours qui sont donnés dans cette mosquée-là. Donc, la personne n'a pas la conviction que cette mosquée-là a un mérite spécial. Et ce qui appuie ce sens-là est que si le professeur va dans une autre mosquée, eh bien, tu vas te rendre dans une autre mosquée. Donc, ce n'est pas en raison de la mosquée que tu voyages, mais en raison des cours qui sont donnés dans cette mosquée-là. Également, il a cité l'exemple d'une personne qui va dans telle ou telle mosquée en raison de la khutbah. Par exemple, il aime bien les sermons qui sont donnés dans cette mosquée-là. Eh bien, cela est permis. Donc voilà pour cette question-là. Voilà pour le dernier hadith. C'était le dernier hadith du chapitre du siyam de l'ouvrage Bulugh al-Maram. فَنَسَلُ اللَّهُ On demande à Allah Azza wa Jal qu'il rende cette explication-là nafi'a, profitable et bénéfique à tous les musulmans et à l'islam également. فَنَسَلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَنَسَلُ اللَّهُ التَّوْفِيقُ وَالسَّدَادِ وإلى هنا والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم